s'est déjà vu là-bas. Tu te rappelles de moi, c'est moi la grosse moula. J'étais chez Bran avec ta copine Anita. C'est pas Yves Montand qui m'a fait monter. Banji, Khalis, Mani, valise, perquise, shérif, pardon, chéri, fêté, valise, Rotter, Venise. Soit tu me suis ou on se revoit dans 10 piges. Tu connais, tu connais, tu connais. En étant détendu, tout ce que j'ai compté. Je passais la repu dans le cul d'un poney. Au bigo, je fais mieux de parler en japonais. La grosse moula, poursuivi par les méchants. J'en ai pas pour longtemps. Bébé je t'aime et tout mais j'ai besoin d'argent. J'ai v'là les sentiments mais y'a déjà les méchants. Là je prends la fuite, on se revoit dans 10 ans. Les méchants, les méchants, les méchants. Les méchants, les méchants, les méchants. Les méchants, les méchants, les méchants. Les méchants, les méchants, les méchants. Dans mon département ça veut ce qu'il est méchant. Les petits chez moi, viscère les clients. T'inquiète même pas, billets les ans. De temps en temps, short d'un que bon. La grosse moula, poursuivie par les méchants. Les méchants, les méchants. Grosse moula, voiture noire, c'est les méchants. La grosse moula, cette ville à la page des champs. Y'a les méchants, ouais, ouais. Il faut arbat, ouais, ouais. Y'a les méchants, ouais, ouais. Il faut arbat, ouais. Grosse moula, y'a les méchants, y'a les méchants. C'est la grosse moula, y'a les méchants, y'a les méchants.